Le comité préparatoire bangladais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017 et le comité d'amitié et de solidarité Bangladesh-Corée ont décidé de conférer les stations d'honneur au président Kim Il-sung, au général Kim Jong-il et au dirigeant suprême Kim Jong-un. Imdi Harun al-Rashid, président du comité préparatoire bangladais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017 et président du comité d'amitié et de solidarité Bangladesh-Corée, a indiqué que le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de San est un grand festival politique d'ordre mondial à l'éloge des exploits immortels des grands hommes coréens accomplis pour la révolution coréenne et l'émancipation du monde, et que c'est le grand honneur de conférer les stations d'honneur aux grands hommes coréens à l'occasion de ce rendez-vous.